بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد donc on va poursuivre inshallah بإذن الله et terminer donc cette série de cours sur la zakat. Nous sommes arrivés donc au niveau de maintenant on va voir la zakat concernant, on a vu lors du cours précédent la zakat donc concernant les biens commerciaux. Là on va voir donc on en avait parlé rapidement, mais on va donc voir ici avec un peu plus de précision la zakat concernant les biens loués, la location. La zakat concernant les biens loués. Concernant la location, donc, lorsque la personne perçoit un loyer égal ou supérieur au nisab, il va donc laisser la durée d'un an al-hawl avant de sortir la zakat sur cet argent. Mais s'il utilise donc directement cet argent et que donc lorsqu'il perçoit le loyer, il utilise cet argent et que ça descend en dessous du nisab, bien sûr, il n'y aura plus de zakat à payer. Donc, quand on dit d'attendre la durée d'un an du calendrier islamique, ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire à la personne d'attendre un an sans toucher cet argent et sortir la zakat. Non. Ceci veut tout simplement dire que pour que tu sois obligé de payer la zakat, il faut que cet argent gagné fasse un an donc du calendrier islamique en ta possession, en restant toujours au niveau du nisab ou plus. Comme on l'a déjà vu auparavant, si ça redescend en dessous du nisab, il n'y a plus de zakat à payer. Si donc l'argent redescend au niveau du nisab, il n'y a plus de zakat à payer et on arrête donc le décompte de 1 an. Et lorsque l'argent, c'est lorsque l'argent revient, remonte donc au niveau du nisab, que tu recommences le décompte. Admettons par exemple que le nisab c'est 750 euros. Le nisab est fixé à 750 euros, admettons. Tu as perçu un loyer, par exemple, de 800 euros. Il faut que cette somme reste, ces 800 euros restent au niveau donc de 750 ou plus pendant un an en ta possession avant que tu sois obligé donc de payer la zakat sur ce loyer là. Mais si donc dès que tu perçois le loyer, tu perçois ces 800 euros de loyer, tu utilises par exemple 100 euros dans ces 800 euros et que tu te retrouves à n'avoir que 700 euros, même si les 700 euros là font un an en ta possession, tu n'auras plus de zakat à payer puisque tu es en dessous du nisab. Donc à partir du moment où tu te retrouves avec moins que les 750 euros, même si c'est 745 euros, à partir du moment où tu es en dessous des 750 euros qui a été fixé comme nisab, donc là, même si c'est 749 euros, dans ce cas-là, tu arrêtes le décompte. Dans ce cas-là, tu arrêtes donc le décompte et tu n'auras plus de zakat à payer sur cet argent tant que c'est en dessous du nisab. Il faudra donc que la somme remonte à 750 pour que donc tu reprennes le décompte. Tu te remettes donc à compter les 1 an du calendrier islamique qui vont donc te rendre obligatoire la zakat. Donc maintenant, ce jugement-là, c'est en dehors du cas où tu as, en dehors de ce loyer, en dehors de ces 700 euros, par exemple, tu as 700 euros, et en dehors de ces 700 euros, tu as de l'argent de côté, en billet de banque, que tu peux ajouter à ces 700 euros, et qui te fera donc remonter au niveau du nisab. Donc, tu as perçu le loyer. Hein, et tu as utilisé de ce loyer 100 euros. Tu as 700 euros, mais tu as de côté de l'argent. Tu as de côté un autre argent. Ou bien tu possèdes de l'or ou de l'argent dont la valeur te permet de remonter donc au niveau de 750 euros. Donc dans ce cas, le décompte se poursuit. Tu es descendu en dessous du nissab, mais tu as un autre argent de côté qui permet de compléter avec cet argent de loyer que tu as perçu et qui te permet de remonter donc à 750 euros ou plus. Ou bien tu possèdes de l'or en petite quantité qui n'atteint pas le nissab de l'or qui est 85 grammes. Donc tu as des grammes d'or mais qui n'atteignent pas le nissab de l'or. Mais leur valeur là, en prenant leur valeur et en ajoutant avec les 700 euros que tu possèdes, donc ça te permet donc d'être au niveau du nissab ou de le dépasser. Ou bien de l'argent. On a vu que le nissab de l'argent, c'est 595 grammes. Donc tu possèdes de l'argent en petite quantité, mais dont la valeur te permet de compléter. Donc lorsqu'on additionne à ces 700 euros, tu atteint donc le nissab de 750 euros où tu le dépasses. Dans ce cas-là, tu continues donc le décompte des 1 an et au bout des 1 an, tu additionnes tout ce que tu possèdes comme avec le loyer là, le loyer des les 700 euros que tu possèdes plus l'argent que tu as de côté plus l'or en petite quantité ou l'argent en petite quantité que tu peux avoir de côté. Tu prends tu estimes la valeur de cet or ou de cet argent que tu possèdes et tu additionnes cela donc à ce loyer-là et à ce que tu possèdes, tu as mis de côté donc et tu sors les 2,5%. Donc tu divises ça par 40, ça te fait donc les 2,5% que tu dois sortir comme zakat. Et on a vu aussi que tu peux soit payer la zakat de chaque loyer 1 an plus tard par rapport au mois correspondant. Hein? Tu peux payer donc la zakat de chaque loyer 1 an plus tard, 1 an hijri plus tard, 1 an du calendrier islamique plus tard, en fonction du mois. Donc, par exemple, le loyer de Ramadan, tu as touché le loyer de Ramadan qui atteint le nissab ou le dépasse et ça reste en ta possession jusqu'au mois de Ramadan suivant. Donc, au mois de Ramadan suivant, tu payes la zakat de ce loyer-là et le loyer du mois de Shawwal, ainsi de suite. Si c'est des loyers qui atteignent le nissab et que ça a mis 1 an donc en ta possession, donc tu payes le loyer correspondant au mois 1 an plus tard. Mais on avait déjà vu que ce n'est pas simple et il est donc mieux et plus facile, par exemple, si tous les loyers sont accumulés en ta possession, tu additionnes le tout et tu fixes une date dans l'année où la zakat du tout en une fois. En une fois, donc, et ajouter avec tout ce que tu peux posséder de côté comme argent et or et billets de banque. tout ce que tu peux posséder comme billet de banque que tu as mis de côté ou que tu peux posséder comme or ou argent. Tu additionnes tout ça donc à tous les loyers que tu as perçus et tu sors la zakat pour tous les loyers que tu as perçus dans l'année en une fois. Tu sors donc cette zakat en une fois. Et donc, on a vu donc que c'est plus facile que de dire que c'est plus simple que de dire que tu vas sortir la zakat de chaque mois l'année d'après. Tu vas sortir la zakat de chaque mois l'année d'après. Bon, et ça donc, c'est pas grave si lorsque tu fais cela, ça te facilite et puis c'est permis puisqu'on a vu déjà, on avait déjà vu que la zakat, il est permis de la payer en avance. Donc c'est pas grave si quand tu vas payer toute cette zakat accumulée, tous ces loyers, quand tu vas payer la zakat de tous ces loyers accumulés, certains mois de loyer bon, ne seront pas, n'auront pas fait un an en ta possession. Donc tu vas payer leur zakat avant le terme qui t'est obligatoire. Tu vas payer leur zakat donc avant le terme où il est obligatoire pour toi de la payer. Ce n'est pas grave puisque c'est permis de payer cette zakat-là en avance, une fois que ça atteint le nisab. Il n'est pas obligatoire d'attendre les un an avant de sortir la zakat. Maintenant, il y a le cas de figure où soit tu peux toucher les loyers de plusieurs mois ou années en avance, ou alors le cas contraire où tu peux toucher plusieurs mois ou plusieurs années après. Donc quelqu'un peut signer un contrat de location stipulant qu'il payera à terme, qu'il payera donc à terme après consommation, ou alors que le propriétaire lui laisse la possibilité donc de payer peut-être après un an, où il lui fait peut-être une sorte de crédit. Il lui fait donc une sorte de il laisse le loyer comme une dette que la personne pourra payer peut-être un an après ou 2 ans après. Par exemple, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, pour ce qui est du paiement de loyer en avance, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici chez nous, au Cameroun par exemple. Surtout quand tu as affaire à des entreprises qui logent des expatriés. Donc le paiement de loyer en avance sur des années, c'est des choses qui se font ici chez nous. Surtout quand tu as affaire à des entreprises qui logent des expatriés. Mais sinon, de manière courante, les loyers ici, lorsque tu arrives pour intégrer un logement, généralement les propriétaires demandent des mois, voire au moins un an. Donc ce qui est souvent en fonction en fonction des endroits, on demande minimum un an ou des fois on demande minimum 6 mois de loyer à payer en avance. Donc, je disais donc que ça peut arriver que la personne, le propriétaire, perçoive même 2 voire 3 ans de loyer en avance. Donc, sinon, généralement, en fonction de la qualité du logement et de son emplacement, si c'est par exemple dans certains quartiers du pays où les propriétaires exigent au moins un an, c'est ce qui se fait généralement. Au minimum, ils exigent un an. Voilà, où ils peuvent exiger un an avec des mois de caution, où ça peut être moins en fonction des quartiers, en fonction si c'est un quartier huppé ou si c'est un quartier populaire, et en fonction aussi du standing du logement. Donc dans ces cas-là, tu perçois, dans ce cas-là, dans le cas où tu perçois plusieurs loyers d'un coup, tu n'es pas obligé de sortir la zakat directement. Donc, tu n'es pas obligé de sortir la zakat directement. Donc, si c'est un loyer dont le montant atteint ou dépasse le nisab, hein, et que ça fait un an en ta possession, si c'est un loyer dont le montant atteint ou dépasse le nisab et que ça fait un an en ta possession, un an du calendrier islamique, c'est là donc que tu seras obligé de payer la zakat. C'est là donc que tu seras obligé de payer la zakat. Donc si tu as perçu peut-être même des années de loyer directement, donc il faudrait que ce montant qui atteint ou dépasse le nisab ait fait un an du calendrier islamique en ta possession pour que tu sois obligé de payer la zakat. Mais comme on l'a vu, tu peux aussi payer avant. Tu peux aussi payer avant. On l'a vu pour les produits commerciaux. On l'a vu pour les produits commerciaux que c'était mieux d'attendre les 1 an parce que dans ce cas-là, c'est un cas particulier parce que c'est des produits qui peuvent prendre de la valeur ou bien dont la valeur peut diminuer. Donc il est mieux dans ce cas-là d'attendre 1 an. Mais ici, là, c'est un argent donc qui ne va pas prendre de. C'est un argent que tu as perçu, qui ne va pas se multiplier. Donc là, tu n'es pas sujet donc à plus-value. Donc là, tu peux soit attendre les 1 an, c'est toi qui vois, soit toi attendre les 1 an pour sortir la zakat, soit tu peux sortir la zakat si tu le souhaites, si tu peux sortir la zakat directement sur cet argent-là. Mais si par contre tu as fait un contrat qui stipule que la personne va payer après que le locataire, par exemple, t'as réglé plusieurs mois ou des années de loyer qu'il te devait. Bon, il avait des retards sur les paiements. Et il te règle donc ce qu'il te devait. Et ça peut être des mois ou ou même des années. Dans ce cas, ça a le même jugement donc que l'argent de la dette. Ça a le même jugement que l'argent de la dette que tu as auprès de quelqu'un en difficulté. Ça a le jugement de la dette que tu as auprès de quelqu'un en difficulté. Donc, c'est lorsque tu récupères cet argent, c'est donc lorsque tu récupères cet argent et donc le jugement de la dette, comme on l'avait vu, c'est que lorsque tu récupères l'argent que tu as prêté, c'est à ce moment-là que tu payes donc la zakat selon un des avis qu'on avait vu qui stipule que même si la dette a mis des années, lorsque tu récupères cette dette, lorsque tu rentres en possession de ton argent, tu payes seulement la zakat de 1 an. Et l'autre avis, qui est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et qui m'apparaît donc l'avis le plus juste, est qu'il n'y a pas de zakat. Lorsque tu perçois cet argent-là, il n'y a pas de zakat à payer. Et lorsque tu récupères cet argent, c'est à ce moment-là donc que tu commences à compter 1 an. Tu commences à compter 1 an du calendrier islamique et tu paieras donc la zakat l'année d'après. Donc ici, pour la location, certains savants ont estimé que tu comptes El Haoul à partir du moment où vous avez signé le contrat de location. Donc si tu as décidé d'attendre que la personne va payer les loyers après, donc certains savants estiment que tu commences à compter donc El Haoul. L'argent là devient comme une dette, mais tu commences à compter El Haoul à partir du moment où vous avez signé le contrat. Et donc, dès que tu récupères, tu payes la zakat, se basant donc sur tu payes la zakat. Donc, et en se basant sur l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah sur la dette, en se basant sur l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah sur la dette, qui est que il n'y a pas de zakat à payer sur la dette, et que c'est lorsqu'on récupère son argent qu'on commence à compter donc un an du calendrier islamique, et on sortira la zakat sur cet argent à la suite de ces, à la fin de ces, lorsque ces un an seront écoulés. Donc, en se basant sur ce jugement, c'est donc à partir du moment où tu encaisses, à partir du moment où tu encaisses et que tu perçois le loyer, que tu commences donc à compter el-hawl. Donc, quoi qu'il en soit, donc c'est à partir du moment où tu perçois le loyer, hein, même si c'est le loyer d'année, même si c'est le loyer de plusieurs années, c'est à partir du moment où tu perçois cet argent que, si ça atteint le nisab, tu commences donc à compter el-hawl, et tu paieras donc la zakat sur cet argent un an après, un an du calendrier islamique après. Mais cher l'Islam, Ibn Taymiyyah, concernant la location, lui, il est d'avis qu'il n'y a pas de hawl. Il est d'avis qu'il n'y a pas de hawl concernant la location, et que l'argent de la location, si ça atteint le nisab, donc on paye directement la zakat. Et d'autres savants donc l'ont suivi dans cet avis. Mais l'avis qui m'apparaît le plus authentique et le plus juste est donc celui disant que le décompte est à partir du moment où tu as perçu l'argent. Le décompte, donc, el-hawl, tu commences à compter el-hawl à partir du moment où tu as perçu l'argent du loyer. Et il n'y a pas d'obligation pour toi de payer la zakat tant que un an du calendrier islamique ne s'est pas écoulé. Et donc, quand tu as fait un an en possession de cet argent, c'est à ce moment qu'il devient obligatoire pour toi de payer la zakat. Et cet avis est celui de l'imam Ibn Qudama dans son livre El-Mughni. Maintenant, une question sur un cas de figure. Si la personne, par exemple, a prêté de l'argent à quelqu'un et que cette personne est en difficulté et fait partie des ayants droit de la zakat, que cette personne a du mal à lui rembourser, mais cette personne fait partie des pauvres, des ayants droit de la zakat. Est-ce qu'il lui est permis d'annuler cette dette avec l'intention que avec l'intention de s'acquitter de sa zakat? Est-ce qu'il lui est permis d'annuler cette dette avec l'intention que c'est la zakat qu'il paye de la sorte, qu'il s'acquitte de la zakat de la sorte? La réponse est que ceci n'est pas permis parce que ça serait l'équivalent à donner le mauvais de ce qu'on possède. Et cela est interdit. Par exemple, celui qui donne la zakat sur ce qu'il récolte de sa plantation, il lui est interdit de donner la mauvaise qualité. Comme zakat, il lui interdit de donner la mauvaise qualité comme zakat, ou alors la moins bonne qualité. Il doit donner, celui qui donne la zakat par rapport à ce qu'il récolte sur sa plantation, ou bien celui qui donne la zakat par rapport à son bétail, il lui est pas permis de choisir dans son troupeau la plus mauvaise bête pour la donner en zakat. Il ne doit pas donner la plus mauvaise bête en zakat. Il doit donner soit une bête parmi les meilleures de son troupeau, ou soit il doit donner au moins quelque chose de qualité moyenne. Il doit donner une bête de qualité moyenne. Pareil pour celui qui donne la zakat sur sa récolte. Il doit donner, donc, de ce qu'il a récolté, il doit donner, s'il ne peut donner le meilleur, la meilleure qualité, il doit donner ce qui est de qualité moyenne. Et il n'est pas permis donc de donner le plus mauvais, la moins bonne qualité. Donc, c'est le même jugement là. C'est pour ça donc qu'il est interdit de faire cela, c'est-à-dire de prendre l'argent de la dette et de le transformer en zakat, parce que cette façon de faire, ça équivaut à donner le plus mauvais de ce qu'on possède. Ça équivaut donc à donner le plus mauvais de ce qu'on possède. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, il a de l'argent en dehors de cet argent, de cette dette-là. Il a de l'argent duquel il peut sortir la zakat, mais il préfère donc prendre l'argent qui est en dette chez quelqu'un en difficulté et le transformer en zakat. Ça, c'est donc pas permis et interdit parce que c'est considéré comme donner le plus mauvais de ce qu'on possède. Parce que tu as un autre argent duquel tu peux sortir la zakat. Et cela a été interdit donc par la parole d'Allah Azzawajal. Voilà, tayammamul khabith minhu tunfiqun. En traduction approximative du sens, et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Donc il n'est pas permis de prendre ce qui est le plus mauvais, le vil, et c'est ça qu'on donne en zakat. Et donc la personne qui ferait ça, il serait dans ce cas-là. Il a un autre argent, il possède d'autres biens, il a un autre argent de côté duquel il peut sortir de la zakat, d'autres biens duquel il peut sortir la zakat, mais il prend donc le plus mauvais, donc l'argent qui est en dette chez une personne en difficulté, c'est ça qu'il transforme donc en zakat. Donc cela est interdit et n'est pas permis donc pour cette raison. Donc cet argent qu'il aurait en dette chez une personne en difficulté serait donc considéré comme étant le plus vil parmi l'argent qu'il possède. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a opté pour cet avis dans Majmou' al-Fatawa et il dit qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de science sur cette question. Donc il n'y a pas de divergence entre les gens de science. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah donc il rapporte ça dans Majmou' al-Fatawa en optant pour cet avis, il rapporte qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de science sur cette question, sur le fait que c'est interdit donc de transformer la dette, de transformer la dette en zakat, de transformer la dette qu'on a chez quelqu'un en difficulté, de la transformer donc de lui annuler, disons de lui effacer cette dette avec la niya que hein, c'est la zakat que tu lui donnes. Donc c'est la zakat que tu lui donnes. Mais les savants, donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les savants ont divergé seulement sur le cas de figure où il sort la zakat de la dette elle-même. Le cas de figure où il sort la zakat de la dette elle-même, c'est-à-dire que la dette en elle-même atteint ou dépasse le nisab. Donc tu as une dette, tu as un prêt que tu as fait à un frère, ce prêt-là en lui-même, ça atteint ou dépasse le nisab. Le montant que tu lui as donné comme prêt, ça atteint ou dépasse le nisab. Et dans ce cas-là, ça veut dire cet argent-là, il y a la zakat qui doit sortir de cet argent. Il y a la zakat qui doit sortir de cet argent. Et la zakat de cet argent-là, tu décides donc ce montant-là, qui représente la zakat de cet argent que tu lui as prêté, tu décides donc de lui réduire la dette. Donc on prend par exemple un exemple. Tu as prêté à un frère. Le nisab, on reste toujours sur un nisab de 750 euros par exemple. On reste toujours sur un nisab qui s'élève à 750 euros. Tu as prêté 800 euros à un frère. Tu as prêté 800 euros à un frère. Donc c'est un montant qui atteint ou dépasse le nisab. Et donc les 800 euros là, un an s'écoule. Le frère n'a pas pu te rembourser la dette. Il n'a pas pu te rembourser la dette. Et donc, il faut sortir la zakat sur cette dette-là. Il faut sortir la zakat sur cet argent qui est chez le frère. Donc sur ces 800 euros-là, il faut sortir la zakat. Maintenant, tu fais donc 800 euros divisé par 40, ça fait 2,5%. Hein, 2,5%. Et c'est le montant de la zakat de cet argent. Et ce montant-là, tu décides de réduire donc, de réduire donc la dette du frère avec Nia. Parce que, et le frère, bon, ça c'est à condition que le frère soit parmi les gens qui sont les ayants droit de la zakat aussi. Donc, si le frère est effectivement pauvre, il est très en difficulté, il est pauvre, et donc il fait partie des ayants droit de la zakat. Donc, cher l'islam Ibn Taymiyyah, il voit donc que dans ce cas-là, tu peux lui réduire la dette correspondant au montant de la zakat qui doit sortir de ce qu'il te doit. Correspondant au montant de la zakat qui doit sortir de ce qu'il te doit. Donc dans ce cas-là, c'est permis parce que ils ont estimé que dans ce cas-là, l'argent est du même genre. Donc on ne peut pas donc considérer que c'est un argent, c'est le vil, comme on l'a dit précédemment dans le jugement où c'est interdit. On a dit que c'était interdit parce que c'est prendre le vil de ce qu'on possède. La plus mauvaise qualité de ce qu'on possède pour la sortir en zakat. Mais comme là, dans ce cas-ci, la zakat sort du même argent, donc on ne peut pas dire que tu as choisi la plus mauvaise part, puisque c'est la dette que tu l'argent que tu sors en zakat, ça vient de cette même dette-là. Donc c'est un argent de la même qualité. C'est un argent de la même qualité. Donc l'argent que tu sors en zakat, c'est un argent de la même qualité, provenant donc de ce qui te doit. Et donc dans ce cas-là, c'est permis. Donc c'est seulement dans le cas où la personne a donc des différents biens et il choisit donc de prendre l'argent de la dette pour en faire la zakat, c'est là où c'est interdit. Mais sinon, si tu sors la zakat de ta dette, de ta propre dette, c'est permis parce que c'est le même argent. C'est le même argent et donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc c'est ça qui permet que d'un côté c'est permis et de l'autre côté c'est interdit. Parce que de l'autre côté la personne possède d'autres biens avec lesquels il peut sortir la zakat. Alors que là, la zakat sort du même argent qui est dû. La zakat sort du même argent qui est dû. Donc, tu n'as pas choisi délibérément un argent de qualité moindre, puisque c'est le même argent qui t'est dû. C'est de là que sort cette zakat. Et le reste reste toujours dû. Le reste, donc, tu sors le pourcentage de la zakat de cet argent et le reste sort toujours dû. Reste toujours dû, donc, par la personne. Donc, c'est à ce niveau-là que les savants ont divergé et donc, cet avis donc est le plus juste que dans ce cas-là c'est permis. Dans ce cas-là c'est permis car la zakat est sortie du même type d'argent. Donc on ne peut plus qualifier cela d'être le vil et le plus mauvais de ce qu'il possède. Et dans ce cas donc, on sort donc les 2,5% de la dette et le reste, comme je l'ai dit, reste dû. Le reste dû par le créancier. Et il devra donc ça, il devra donc le rembourser. Et les savants ont aussi divergé sur le fait que les savants ont aussi divergé sur le fait de savoir si il doit d'abord toucher l'argent avant de le ressortir en zakat, ou ça lui est permis d'en faire l'argent de la zakat par l'intention sans avoir besoin de le percevoir, juste par l'intention. Et ce qui apparaît le plus juste, c'est que c'est permis d'en faire l'argent de la zakat sans le percevoir. Parce que s'il te rembourse une partie de la dette et que comme il fait partie des ayants droit de la zakat, tu lui redonnes cette partie qu'il a remboursée. Donc, par exemple, la personne, il est en difficulté, mais il te dit, bon, je t'avance d'abord telle somme pour diminuer ma dette. Et toi, tu perçois donc cet argent. Et puis, comme tu sais qu'il est en difficulté, ça improuve. Et tu lui redonnes donc, pour sortir la zakat de ce qu'il te doit, tu lui redonnes donc cette même zakat, c'est ce même argent qu'il t'a donné comme zakat, vu qu'il fait partie des ayants droit. Dans ce cas-là, ça serait permis. Donc, il n'y a pas de différence entre le fait de percevoir l'argent ou de ne pas percevoir l'argent. Et ils ont expliqué donc les gens de science que c'est comme si par exemple tu avais de l'argent que tu as confié à quelqu'un. Tu as de l'argent que tu as confié à quelqu'un et puis tu décides donc de faire de cet argent que tu as confié à la personne. La personne fait partie des ayants droit de la zakat, c'est un pauvre. Tu lui as confié une somme d'argent et tu décides donc de faire de cette somme d'argent ta zakat par rapport à. Tu as calculé par exemple ce que tu dois sortir comme zakat de tes biens. Et tu as vu que le montant correspond à ce que tu lui as confié. Tu lui dis donc voilà. Ou bien peut-être ça dépasse, mais tu lui dis donc voilà, prends telle somme de l'argent que je t'ai confié. C'est ma zakat. Donc il n'y a pas besoin que il te remette l'argent que tu lui as confié et puis que tu lui redonnes. Donc dans ce cas-là, la niya simple est le fait de lui dire voilà, je te donne. Je te permets de prendre de telle somme de l'argent que je t'ai confié, c'est ma zakat. La niya donc suffit. Donc c'est pour ça donc que dans l'autre cas aussi, c'est suffisant. La niya est suffisante. Il n'y a pas besoin qu'il touche d'abord cet argent, il perçoive d'abord cet argent et qu'il lui redonne pour que ça soit valide. Donc ça c'est donc le jugement qui m'apparaît donc le plus juste sur cette question. Wallahu a'lam. Par contre, l'imam an-Nawawi, dans son livre Al-Majmu', il rapporte l'unanimité des gens de science sur le fait que si tu lui donnes de l'argent, de la zakat, à celui qui te doit, tu lui donnes de l'argent de la zakat, avec comme condition qu'il te rembourse ta dette. Donc tu lui donnes de l'argent, il te doit, mais il est pauvre et tu as de la zakat à donner aux pauvres et tu donnes cette zakat à la personne, tu choisis la personne qui te doit avec l'intention que, ou bien avec la condition que, non, il doit te rembourser, il doit te rembourser la dette, il doit te rembourser ce qu'il te doit, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Donc, l'imam an-Nawawi a rapporté l'unanimité des gens de science sur le fait que ce cas de figure-là, dans ce cas de figure, c'est pas valide, c'est pas valide. C'est pas valide de donner la zakat à quelqu'un qui te doit avec la condition ou l'intention que il va avec la condition qu'il doit te rembourser. Il doit te rembourser. On avait déjà parlé du trésor. On avait déjà parlé du trésor enfoui sous terre ou dans la mer. On y revient brièvement pour apporter certains éléments. Pour apporter certains éléments. En plus, déjà comme on l'a vu précédemment, le trésor dont on doit donner Al-Khumus est un cinquième de sa valeur au gouverneur pour le trésor public des musulmans, Baytul Mal. C'est celui qui date de la période pré-islamique, qui date d'avant l'islam. On peut le reconnaître à travers des marques, des signes qu'il porte. Et il peut porter des noms de rois de l'époque où il peut y avoir des dessins, des représentations de ses peuples. Ou d'autres détails qui indiquent que ce trésor date d'avant l'islam. Et dans ce cas, donc, celui qui trouve ce trésor doit donner les 1 cinquième au gouverneur. Il doit donner les 1 cinquième au gouverneur qui va utiliser cela pour des œuvres ou des travaux d'intérêt général au public. C'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de Al-Hassan Al-Basri. Si par contre il apparaît que cela date de la période islamique, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dans ce cas, ça a le jugement de Al-Uqta, donc qu'on a déjà vu, dont on a déjà vu certaines règles. Ça a le jugement de l'objet perdu ou trouvé, dont on a déjà vu certaines règles. Donc c'est considéré comme le bien d'un musulman qui s'est perdu. Et l'imam Ahmed, il voit que même s'il s'y trouve des signes d'appartenance à l'islam et aux musulmans, et en même temps il s'y trouve aussi des signes de la période pré-islamique, donc on y trouve les deux. On y trouve les deux marques, on y trouve des indices, ces deux types d'indices sur le même trésor, des indices montrant que ça date de la période islamique ou bien. Et on y trouve aussi d'autres indices montrant que ça date de la période pré-islamique. Donc l'imam Ahmed, il voit que ça prend le jugement du bien appartenant à des musulmans. Ça prend le jugement du bien appartenant à des musulmans. Et il faut savoir que dans Ar-Rikaz, donc dans le trésor, il n'y a pas de nisab. Il n'y a pas de nisab selon l'avis le plus authentique, le plus juste. Il n'y a pas de nisab. Donc, quelle que soit la quantité, quelle que soit la valeur, on donne les 1 cinquième, que ce soit peu ou beaucoup, que ce soit de petite ou de grande quantité, ou que ce soit d'une petite valeur ou d'une grosse valeur, tu dois donner les 1 cinquième. Et il n'y a pas de haoul, il n'y a pas de haoul non plus concernant donc Ar-Rikaz. Il n'y a pas d'attente de durée de un an du calendrier islamique. Donc, le trésor. Le trésor en fait n'est pas concerné par la zakat. En fait, le trésor, c'est un autre jugement, c'est pas concerné par la zakat. On en parle dans les règles de la zakat, mais la réalité est que c'est pas concerné par la zakat parce que ça ressemble plus à son jugement ressemble plus au jugement de l'impôt sur al-ghanima, hein, le butin de guerre. Donc, al-khumus, là qu'on doit donner les 1 cinquième. Al-Khumus, ça correspond donc à l'impôt sur le butin de guerre, Al-Ghanima. Donc c'est d'autres règles, c'est d'autres jugements. Donc c'est pour ça qu'on ne le verse pas aux pauvres, on ne le verse pas aux ayants droit de la zakat. On le verse au gouverneur et c'est le gouverneur qui doit l'utiliser pour Masalih al-Muslimin. Donc il doit l'utiliser pour l'intérêt général des musulmans. Pour les œuvres d'intérêt général pour les musulmans. Et ce jugement est prouvé par le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, fi sahihain, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa fi rikaz al-khumus. Et pour le trésor, il faut donner les 1 cinquième. Et ce jugement s'applique quelle que soit la personne, que le trésor soit trouvé par un homme libre, un esclave, une femme, un enfant, ou même un mécréant parmi ceux qui vivent sous protection de l'autorité musulmane. Et donc, Al-Khumus se verse donc au gouverneur et aux dirigeants musulmans. Ça ne se verse pas aux ayants droit de la zakat. Et le dirigeant donc doit l'utiliser, comme je l'ai dit, dans l'intérêt, dans les œuvres qui sont d'intérêt général pour les musulmans. Et notre cher Abdelhamid Al-Hajouri, dans son commentaire de Bulugh Al-Maram, il dit donc qu'il y a deux choses, il y a deux choses, deux causes principales du fait que el khumus du trésor, donc les 1 cinquième du trésor ne sont pas payés à notre époque, en dehors du fait que il y a peu de droiture chez les gens, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Il y a peu de droiture et de crainte d'Allah Azzawajal. Donc ça se fait rare. Donc parmi les causes, la première des causes donc qu'il a citées, c'est l'avarice et le non-respect de ce qu'Allah a imposé comme obligation. Donc l'avarice et le non-respect de ce qu'Allah a imposé comme obligation. Donc les gens, quand ils trouvent un trésor, donc comme voilà, l'avarice les pousse à ne pas donner les 1 cinquième. Ils préfèrent garder tout le trésor pour eux. Et la deuxième cause, donc, c'est le peu de confiance qu'on fait à nos dirigeants. Parce que beaucoup de dirigeants musulmans, à notre époque, si tu les informes que tu as trouvé un trésor, ils ne vont pas se contenter d'un cinquième que tu leur donneras ou que tu leur donnerais. Il se peut même qu'ils te mettent en prison ou qu'ils te mettent sous pression afin d'entrer en possession du trésor, de la totalité du trésor, ou bien qu'ils exigent de toi une plus grosse part. Qu'ils exigent de toi une plus grosse part. À la rigueur, donc c'est ça, à la rigueur, ils vont vouloir plus que les 1 cinquième, ils vont vouloir plus que la part qui leur revient. Et donc, c'est à cause de ce genre de comportement que certaines personnes aussi ont peur, lorsqu'ils trouvent un trésor, d'aller donc donner les 1 cinquième au gouverneur. D'aller donc donner les 1 cinquième au gouverneur. Et donc, cet impôt n'est pas payé à cause du comportement de ces deux, ceux qui trouvent le trésor et le comportement des gouverneurs et dirigeants musulmans de notre époque. Voilà, Moustara. Maintenant, est-ce que tout ce qui sort de terre comme matériau précieux est considéré comme trésor? Comme chez nous en Afrique, par exemple, on a beaucoup de matières premières de grande valeur dans nos sous-sols. Est-ce que cela est considéré comme rikaz? Est-ce que c'est considéré comme rikaz, comme trésor? Il y a des gens, par exemple, qui creusent et qui trouvent de l'or en grande quantité, du diamant, du platine et autres. Donc, l'imam al-Sanani, dans Subul al-Salam, qui est donc son commentaire de Bulugh al-Maram, il dit que ceci ne concerne que l'or et l'argent. Donc, le jugement donc de donner les 1 cinquième de ce qu'on trouve enfoui dans le sol, ça ne concerne donc que l'or et l'argent. Donc, c'est ça qui peut être considéré comme rikaz. Et donc, il faut donner les 1 cinquième au gouverneur, si tu trouves de l'or ou de l'argent. Mais les autres matériaux, donc, ne sont pas concernés. Les autres matériaux ou les autres pierres précieuses qui sont trouvées ne sont pas concernées par ce jugement. Donc, si tu trouves du diamant, du platine, du saphir, des rubis, donc il n'y a pas à sortir el khumus, les 1 cinquième, parce que les autres, donc c'est l'imam al-Sanaa qui dit ça dans son commentaire de Bulugh al-Maram. Il dit donc que les autres pierres précieuses existaient donc déjà à l'époque du prophète, à l'époque de la prophétie. Ces pierres existaient déjà et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pris donc el khumus ou ait pris quelque chose concernant ces pierres. Donc, le jugement. Si on considère que tout ce qui sort de terre, qui est enfoui dans le sol, comme on voit dans certains pays africains où on peut creuser le sol et trouver une bonne quantité d'or, voilà, ils considèrent donc que ça, là, ça peut être considéré comme un rikaz, parce que c'est de l'or. Donc là, on doit donner les 1 cinquième. Et si c'est l'argent aussi, c'est la même chose. Mais en dehors de l'or et de l'argent, le reste des pierres précieuses ou le reste des matières qui peuvent être trouvées de grande valeur, donc ce n'est pas concerné par ce jugement. Ceci nous amène donc à la zakat des pierres précieuses. On avait déjà parlé de ça rapidement, on avait parlé du diamant et du platine. Et maintenant, on parle en général des produits miniers. Donc, comme on le disait, des produits miniers. Comme je le disais, nos sous-sols en Afrique sont riches de produits miniers. Des pays comme le Congo, le Cameroun, beaucoup de pays d'Afrique ont des sous-sols riches en produits miniers, en matières premières de grande valeur. Qu'on peut trouver donc, quel est le jugement par rapport à cela? Est-ce que c'est considéré, est-ce qu'on doit payer la zakat sur ces produits-là ou pas? Concernant cette question, Parce qu'il y a par exemple le pétrole, il y a le gaz, il y a le manganèse, il y a le cobalt, il y a beaucoup de matières premières. Hein. Il y a beaucoup de matières premières qui sont de grande valeur. Il y a l'uranium. Il y a beaucoup de matières premières qui sont de grande valeur de nos jours, qui proviennent du sous-sol. Quel est le jugement donc par rapport à ça? Donc, est-ce qu'il y a la zakat à payer sur cela? L'avis qui m'apparaît donc le plus juste, Wallahu a'lam, parmi les avis des savants, c'est que la base est qu'il n'y a pas de zakat en dehors de l'or et de l'argent, comme on vient de voir la parole de l'imam As-Sana'ani dans Subul As-Salam, donc la parole qui a précédé concernant les pierres précieuses qui existaient déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas été rapporté qu'il ait pris la zakat sur ça en dehors de l'or et de l'argent. Donc, c'est pour ça que la vie qui m'apparaît le plus authentique, le plus juste sur cette question, c'est que si ce n'est pas l'or ou l'argent, il n'y a pas de zakat à payer sur ces produits, quels qu'ils soient. Donc, ces produits ne peuvent être concernés par la zakat. Ces produits ne seraient concernés par la zakat que dans deux cas, d'après les paroles des gens de science. Le premier cas, c'est s'ils sont pris comme moyen d'échange pour les transactions, c'est-à-dire qu'ils prennent la place de l'or, de l'argent et des billets de banque. Donc, si le matériau, la pierre précieuse prend la place de l'or et de l'argent et des billets de banque dans les échanges entre les gens, là, dans ce cas-là, il doit être sujet à la zakat. Donc, c'est l'avis de notre cher Abdelhamid Al-Hajouri il a rapporté cet avis dans son commentaire de Boulour, le Boulour Al-Maram, donc, il dit que. Donc, c'est si jamais ces matériaux aux pierres précieuses prennent donc la place prennent la place de l'or et de l'argent et prennent la place donc des billets de banque ou des monnaies, prennent la place des monnaies dans les échanges entre les gens. Dans ce cas-là, donc, il y aura la zakat sur ces matériaux-là. Parce que l'or et l'argent s'échangent. L'or et l'argent sont donc des moyens d'échange depuis les temps anciens. Donc quelqu'un peut venir acheter tel ou tel, depuis les temps anciens, il achète tel ou tel produit en échange d'or et d'argent. Et c'est pour ça que donc les monnaies ont pris cette place-là. C'est pour ça donc, comme on l'avait déjà expliqué, que les monnaies ont pris la place de l'or et de l'argent. Donc si jamais un de ces matériaux, si jamais le diamant, le platine, ou voilà, l'uranium, ou le cobalt, ou de ces matières premières sorties du sous-sol prennent cette place-là, dans ce cas-là, donc ça devient des produits sur lesquels il y aurait la zakat. Ou dans le cas contraire, hein, dans le cas contraire, mais actuellement, on peut donc dire qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, ça n'a pas pris, à moins que peut-être ça soit le cas dans certaines contrées, dans certains pays ou dans certaines zones où on exploite vraiment beaucoup le sous-sol, où peut-être quelqu'un peut prendre une pierre et puis aller au magasin et puis en échange de la pierre, on lui donne des produits, mais de manière générale, ce qui est connu, ce n'est pas encore le cas. Même le diamant. Ça a son marché, ça a son marché. C'est pas tu vas prendre le diamant et puis tu vas aller dans quelque part et puis directement ça. C'est chez les connaisseurs seulement que tu peux le revendre ce genre de. C'est pas quelque chose qui est généralisé quoi. Les échanges avec ce genre de pierres là. Donc c'est pas quelque chose qui est généralisé. Même si dans l'absolu, c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais donc c'est dans le sens où un moyen d'échange généralisé, un moyen d'échange généralisé. Et ce n'est pas encore le cas. Et le deuxième cas, donc, c'est s'ils sont commercialisés. Donc, quand ils sont commercialisés, à partir de ce moment où ça devient un produit commercial, c'est vendu, acheté. Dans ce cas, tu payes la zakat sur cela. Donc, c'est pour ça que ceux qui font le commerce de diamants, qui font le commerce des pierres précieuses, ils payent la zakat. Ils payent la zakat et c'est la zakat des produits commerciaux. C'est pas la zakat sur ce bien-là en lui-même, comme par exemple l'or ou l'argent. Là, c'est la zakat parce que c'est un bien commercial. Donc, tout ce qui est vendu, il y a la zakat sur ça. Tout ce qui est vendu, il y a la zakat sur ça. Comme par exemple l'or, si tu as l'or, tu possèdes de l'or, tu vas sortir la zakat sur l'or que tu possèdes. Le diamant, tu peux posséder le diamant, tu ne sors pas de zakat sur le diamant que tu possèdes. Mais si tu commences à vendre du diamant, si tu commences à vendre le diamant que tu possèdes, tu sors la zakat sur ce diamant-là parce que c'est devenu un produit commercial. Et donc tu payes la zakat des produits commerciaux qui est la même zakat que l'or et l'argent. Donc les 2,5%. Tu vas donc les payer sur ce produit qui est devenu donc un produit commercial. Donc l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz, le cobalt, le fer. Tous ces produits-là, à partir du moment où ils sont vendus, à partir du moment où ils sont vendus, c'est des produits à la base où il n'y a pas de, il n'y a pas de zakat selon l'avis le plus juste et le plus authentique. C'est des produits sur lesquels il n'y a pas de zakat, mais. Voilà, quelqu'un par exemple qui possède des puits de pétrole, il va pas payer la zakat sur le pétrole qu'il possède. Mais à partir du moment où il commence à vendre son pétrole, il paye donc la zakat sur les ventes de son pétrole parce que c'est devenu donc un produit commercial. Donc voilà donc les deux cas. Si ça devient donc un moyen d'échange entre les gens et ça prend en cela la place de l'or, l'argent et des billets de banque. Et le deuxième cas, ça devient un produit commercial, si c'est un produit commercialisé, dans ce cas-là, donc, il y a la zakat sur cela. Sinon, en dehors de ça, l'avis le plus authentique, c'est qu'il n'y a pas de zakat à payer sur cela. Tu peux posséder du diamant, du platine, tant que tu ne vends pas, tant que ce n'est pas à but commercial, il n'y a pas de zakat. Sur cela, c'est ce qui apparaît, c'est la vie qui m'apparaît donc le plus authentique. Wallahu Et on avait déjà cité l'avis de l'imam Ibn Baz sur ça et d'autres parmi les savants ont cet avis-là. Mais il y a le mufti El Fawzan par exemple, lui, il est d'avis qu'il y a la zakat à payer sur ses produits. Il est d'avis qu'il y a la zakat à payer sur ces produits. Il estime que si les pieux prédécesseurs voyaient ce que ces produits sont devenus et comment ils se vendent et s'achètent, ils opteraient pour cet avis-là. Mais donc, comme je l'ai dit, ce qui apparaît par rapport aux preuves, c'est que il n'y a pas d'argument vraiment qui peut faire en sorte qu'on impose la zakat sur ces produits-là, puisque comme l'imam Sanaan il a dit dans l'avis, dans son avis, dans Subul Salam, les pierres précieuses existaient déjà, les produits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça avait déjà quand même, c'était quelque chose connu avec une certaine valeur, mais il n'a pas donc pris de zakat par rapport à. Il n'est pas rapporté de lui qu'il a pris la zakat sur ces produits-là. Donc, on ne peut pas donc. Parce que la situation a changé à notre époque, imposer la zakat sur ces produits. Parce qu'on n'a pas de base pour le faire. Donc, c'est vrai qu'eux, ils utilisent le qiyas, ils utilisent le raisonnement par similitude. Pour cela, mais donc je pense que cet avis, l'avis de qui voit qu'il n'y a pas de zakat est le plus solide, puisque en se basant sur le fait que les pierres précieuses existaient déjà à l'époque du prophète, donc tu vas pas dire à quelqu'un de venir payer la zakat sur le diamant, alors que c'est l'équivalent des pierres précieuses qui existaient déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas taxé. Il n'a pas demandé aux gens de payer la zakat sur cela. Il a demandé de payer la zakat seulement sur l'or et l'argent. Donc voilà. Autre précision concernant le trésor, c'est qu'il faut deux conditions pour que les biens trouvés soient considérés comme trésor. Donc la première condition, c'est que ça date de l'époque pré-islamique. Hein, pour que ça soit considéré comme rikaz, il y a deux conditions. La première, c'est que ça date de l'époque pré-islamique. Et la deuxième, c'est que ça soit enfoui dans le sol ou dans la mer. Ça ne soit pas à la portée des gens. Donc ce que tu trouves dans la rue, ce n'est pas un trésor. Ou bien ce que tu trouves dans un lieu public ou dans une mosquée ou autre, ce n'est pas considéré comme un trésor. Ce que tu trouves à la portée de tout un chacun. C'est pas considéré donc comme un trésor, c'est considéré comme un loqta, donc comme un objet trouvé, un objet perdu trouvé. Et si on trouve rikaz donc sur le terrain de quelqu'un, si on trouve le trésor sur le terrain de quelqu'un, on considère que ça lui appartient, sauf s'il rejette la propriété. Dans ce cas, on revient, dans ce cas, on renvoie la propriété sur celui qui était sur cette terre avant lui, jusqu'à ce que on arrive à la première personne qui a mis en valeur le terrain. Bon, et vous voyez, ce jugement, normalement, c'est ce qui doit être. Pas comme ce qui se fait dans certains pays, comme ici au Cameroun, où, par exemple, si on trouve un gisement d'or ou de pétrole sur ton terrain, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'État. Et ceci est une injustice. Ça, c'est des lois qui datent, c'est des lois qui datent de l'époque coloniale. Donc, comme le colon estimait que tout ce qu'il y a sur le sous-sol lui appartient, donc ils ont instauré ce genre de loi-là que bon, quand tu trouves quelque chose sur le terrain de quelqu'un, ça lui appartient pas, ça appartient à l'État. À l'État qui est eux. Donc, ça leur appartient à eux. Donc, c'est un peu ça qu'on. C'est des jugements qu'on a hérités de l'époque coloniale, mais c'est de l'injustice, c'est de l'injustice. Et ce qui est le plus juste, donc, c'est ce qui est dans cet avis, c'est que quand on trouve quelque chose sur le terrain de quelqu'un, on considère que ça lui appartient. On considère que ça lui appartient. Et l'État, donc, et ça se fait dans certains pays, comme il m'a été rapporté qu'au Nigeria, c'est comme ça, dans d'autres pays, dans certains pays, c'est comme ça. Si on trouve de l'or ou du pétrole sur ton terrain, sur le terrain qui t'appartient, l'État considère que ça c'est ta propriété et donc on entre en négociation avec toi pour l'extraire. On entre en négociation avec toi pour l'extraire. Ce n'est qu'après ton accord que on peut commencer donc à l'extraire. Et on considère que tu en es le propriétaire. Maintenant, on revient rapidement sur le cas de ceux qui possèdent des parts ou des actions dans une société ou une entreprise. Les actionnaires d'une entreprise ou d'une société. Donc, dans ce cas, soit les actionnaires ont acheté les parts ou les actions pour les revendre. Donc, il y a des gens qui font donc c'est leur business, ils achètent les parts ou les actions d'une société, et lorsque ces parts et ces actions prennent de la valeur, ils les revendent. Donc c'est un commerce qu'ils font. Acheter et revendre des actions. Donc c'est ça leur objectif. Leur objectif n'est pas de garder les actions et puis de toucher les bénéfices de ces actions-là. Donc, si c'est dans ce cas-là, la zakat de ce type d'action est donc comme la zakat des produits commerciaux. Ça veut dire qu'on évalue la valeur des actions et lorsque ça atteint el-nisab et ça atteint el-hawl, on sort donc la zakat 2,5%. On sort donc la zakat des produits commerciaux qui est donc de 2,5%. Et le deuxième cas de figure, donc, il a acheté ses actions-là pas pour les revendre, mais ils souhaitent les garder et toucher à chaque fois sa part des bénéfices générés par la société et l'entreprise. Dans ce cas, la manière de sortir la zakat va dépendre du type de société ou d'entreprise. Si par exemple la société est une société industrielle avec des usines ou une usine montée et des locaux achetés avec l'argent du capital, dans ce cas, c'est un peu complexe parce que les produits sortis de l'usine, s'ils mettent un an du calendrier islamique, on doit payer la zakat sur ces produits. Donc dans ce cas, il faudrait que l'actionnaire arrive à calculer à l'aide, par exemple, d'un expert comptable ou d'un expert, la part du capital qu'il a mis, combien ça équivaut en termes de produits sortis de l'usine. Donc, il faut que tu puisses évaluer la part de tes actions, les actions que tu possèdes, combien ça équivaut en termes de produits sortis de l'usine. Et donc, quand tu arrives à faire cette évaluation, tu vas donc additionner cela à la part des bénéfices que tu touches, à la part des bénéfices que tu touches et sortir donc les 2,5% de zakat sur le tout. Et aussi, pour que le calcul soit précis, il faut retirer de sa part du capital. Donc, il faut retirer de sa part du capital l'équivalent qui peut être alloué, qui peut être alloué, qui peut être avoir été alloué à l'achat des locaux et du matériel qu'on utilise. Parce que, comme on l'a vu, le matériel qui ne bouge pas, sur lequel il n'y a pas de plus-value, il n'est pas concerné par la zakat. C'est seulement si on le revend qu'il devient un produit commercial et donc, dans ce cas, on paye sa zakat. Si ça atteint le nisab, bien sûr. Donc, un petit exemple pour bien comprendre où je veux en venir, c'est par exemple le menuisier. Le menuisier, par exemple, il achète du bois et il le transforme en porte. Il achète du bois et d'autres matériaux et il transforme tout ça en porte. Donc, son stock de bois et le matériel qu'il utilise pour fabriquer les portes. Enfin, les matériaux qui composent les portes, donc son stock de bois et les matériaux qui composent, les éléments qui composent les portes, sont concernés par la zakat, parce qu'il revend tout ça. Parce qu'il revend tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie, donc les matériaux, ça fait partie de son capital. Les matériaux qu'il a pour fabriquer ses portes, ça fait partie de son capital parce qu'il les utilise, donc il monte les portes et il les revend. Donc tout ce qui est utilisé et qui compose les portes, ça fait partie donc du capital qui est concerné ici. Ça fait partie du capital qui est concerné ici. Donc il va compter cela, additionner cela, la valeur de cela avec la valeur de ses bénéfices. Et c'est de tout ça qui va sortir la zakat. Mais le matériel qu'il utilise, le matériel de menuiserie et les locaux, et le local par exemple, s'il a un local qu'il a acheté ou qu'il loue, l'argent qui part là-dedans, c'est pas considéré comme le capital, c'est pas considéré comme faisant partie de son capital. Donc il faut bien différencier entre le capital selon le langage entrepreneurial. Le capital selon le langage entrepreneurial et le capital selon le langage dont on parle ici, là, selon le langage, selon la charia, le capital qu'on est en train de voir ici, c'est le capital donc concernant les produits qui sont revendus. Dans le même cas aussi, la personne qui a sa boutique et il vend des produits alimentaires, donc le capital. Son capital, ça sera, par rapport à ce qui nous concerne, son capital, ça sera seulement les produits qu'il a achetés, qu'il a en stock, qu'il a achetés pour revendre. C'est ça son capital. Donc, c'est l'argent qu'il a dépensé pour acheter les produits qu'il va revendre. C'est ça uniquement son capital. Mais le reste, s'il a acheté une balance, il a acheté plein du matériel qu'il a dans sa boutique, il a fait des travaux, il a, bref, tout ce qui peut lui servir dans sa boutique, mais qui n'est pas marchandise achetée pour la revente. Donc, il a des frigos, il a des trucs comme ça. Donc, par exemple, ça ne fait pas partie de son capital. Alors que dans le langage entrepreneurial, tout ça fait partie du capital. Tout ce que tu sors comme argent, que ce soit pour faire les travaux, que ce soit pour la location de la boutique, que ce soit pour quoi que ce soit, c'est considéré comme faisant partie. Tout ce que tu mets comme argent dans l'entreprise ou la société, c'est considéré comme capital. Mais pour ce qui nous concerne ici, quand on parle de capital auquel tu dois additionner le bénéfice pour sortir la zakat, on parle du capital on parle des produits donc que tu vas revendre. On parle de ce que tu as acheté comme produit que tu vas revendre. C'est seulement ça qui est concerné. Et donc, on doit enlever de cela le matériel, l'autre matériel qui n'est pas notre matériel avec lequel on ne fait pas de plus-value. Ce matériel-là, sa zakat, ça sera seulement lorsqu'il sera revendu. Donc, le menuisier, par exemple, s'il a une déligneuse, s'il a des grosses machines de menuiserie, tout ça là, dans le langage entrepreneurial, ça fait partie de son capital. Mais par rapport à la zakat, par rapport à ce qui nous concerne, on ne compte pas cela dans le capital. On ne compte pas cela dans le capital auquel il faut additionner le bénéfice, donc pour sortir la zakat. Donc il faut bien faire attention à cette différence-là. Il y a le langage entrepreneurial et il y a ce qui nous concerne dans ce cours. Donc dans le langage entrepreneurial, tout ça c'est considéré comme faisant partie de son capital. Tout ce qu'il a mis comme argent, quelles que soient les dépenses, c'est considéré comme faisant partie de son capital. Alors que ici, concernant la zakat, ce qui est considéré comme capital, c'est ce qui va donc être revendu et dont on va tirer des bénéfices. C'est ça qui est donc le capital. Donc pour la boutique, ça serait par exemple son stock qu'il va revendre, c'est ça qui est son capital. Son stock qu'il a acheté et qu'il va revendre, c'est ça qui est son capital. Maintenant, les bénéfices qu'il fait, on ajoute à ça et on sort le, si ça atteint un ISAB, on sort donc la zakat de 2,5% sur le tout. Maintenant, s'il a vraiment la, il n'a pas la possibilité. Donc, c'est pour ça que pour l'usine, il est important donc pour l'usine que celui qui est actionnaire de l'usine, s'il a la capacité de faire calculer le coût de ce matériel-là, le coût de ces produits-là qui ne sont pas revendus, mais qui font partie du patrimoine de l'entreprise, les locaux, les machines et tout ça. S'il a la possibilité de calculer ce patrimoine-là et de soustraire ça et de pouvoir savoir à combien ça équivaut par rapport à ses actions ou à ses parts de l'entreprise, à combien ça équivaut, donc il enlève cela. Il enlève cela des calculs et donc il va lui rester seulement les produits donc les produits qui sont donc destinés à la vente et les produits donc qui vont servir à la vente. Donc c'est ça là donc c'est de là donc il va prendre le reste du capital et enlever ce dont on a parlé, il prend donc le reste du capital et il additionne avec le bénéfice qu'il a fait, sa part du bénéfice qu'on lui a donné, il enlève sa part du capital comme on l'a vu en ayant soustrait la part que l'entreprise a dépensée pour les locaux et pour les machines, tout ça. S'il arrive à calculer ça, il enlève cela de sa part du capital. Et donc, il prend donc sa part du capital avec la part des bénéfices qui lui ont été octroyés. Et il, si ça atteint le nisab, donc, et que ça atteint le hawl, donc, il sort 2,5% sur cela. Mais s'il n'a pas la capacité, donc, de faire ce travail-là, d'arriver à évaluer tout ça, à calculer tout ça, donc dans ce cas, il prend sa part du capital, donc la part de ses actions-là, et donc il prend la part de ses actions plus, donc la valeur de ses actions, il prend la valeur de ses actions plus la valeur des bénéfices, plus les bénéfices qui lui ont été octroyés, les dividendes, et donc il additionne le tout, et si ça atteint un nisab et ça a fait al-hawl, ça a fait une durée d'un an, donc il sort donc la zakat de 2,5% sur le tout. Ceci parce qu'il a fait du mieux qu'il peut. Et Allah Azzawajal dit: Ittaqullah mastata'tum, fattaqullah mastata'tum. Craignez donc Allah du mieux que vous pouvez. Et donc ça peut donc être une entreprise ou une usine. Ça peut être aussi être une entreprise ou une usine qui fait juste de l'assemblage et qui reçoit des éléments qu'elle conditionne juste. Et elle est payée pour cela. Donc ça peut être une usine qui fait juste de l'assemblage. Donc elle-même, elle n'est pas propriétaire des éléments. Elle reçoit les éléments, elle les conditionne ou elle les assemble. Et elle est payée pour cela. Elle ne revend rien. Donc dans ce cas, donc c'est la même chose. Donc il prend sa part des bénéfices. Hein, il prend sa part des bénéfices et prend sa part des bénéfices, il prend sa part des bénéfices et il ajoute à sa part des. Il additionne. Il fait la même chose qu'on a dit précédemment. Il évalue la valeur de ses actions plus sa part des bénéfices. Et il sort les 2,5%. Il sort donc les 2,5% si ça atteint le nisab. Donc dans ce cas-là, si l'investissement atteint le nisab et que ça fait un an où il sort la zakat, si son investissement a atteint le nisab et que ça fait un an, il sort la zakat où il attend qu'il touche le bénéfice, si ça ne va pas tarder, et il sort donc la zakat sur le tout. Parce que des fois, il y a des sociétés, comme on l'a déjà vu précédemment, il y a des sociétés où tu peux mettre des années avant de toucher tes bénéfices. Avant de toucher les bénéfices. Et dans ce cas-là, si l'argent que tu as mis dans l'entreprise, ça atteint un nisab, donc tu dois sortir la zakat sur cet argent-là. Si tu en as la possibilité, tu sors la zakat. Ou comme on l'a vu précédemment, sinon si tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas de liquidité pour sortir la zakat, tu notes. Et lorsque tu toucheras, tu sortiras la zakat de ces années écoulées-là. Comme on l'avait vu précédemment. Donc si ton investissement n'atteint pas le nisab, si ta part du capital n'atteint pas un nisab et que c'est additionné c'est additionné au bénéfice que ça atteint un nisab, dans ce cas, il ne lui sera pas obligatoire de sortir la zakat. Et ce n'est qu'après que cette somme ait fait un an hijri, donc en sa possession, qu'il va sortir la zakat. Donc, si ton investissement, ta part du capital, tes actions, ça n'atteint pas un nisab, donc. Et ce n'est que quand tu touches tes bénéfices, les bénéfices additionnés à la valeur de tes actions, c'est là où ça atteint un nisab. Donc il faudra que ça fasse un an régulier en ta possession pour que tu puisses donc après sortir la zakat. Et si c'est une société agricole, cette société et ses actionnaires suivront donc les règles de la zakat concernant les produits agricoles. Et on a vu que cette zakat se paye au moment de la récolte. Si c'est une société concernant le bétail, pareil, il faut revenir au jugement concernant la zakat sur le bétail. Et si c'est des animaux qui ne font pas partie du bétail, comme les animaux d'élevage, par exemple, comme le poulet, par exemple, ceux-là, leur zakat, c'est la zakat des produits commerciaux. Ceux-là, donc, c'est la zakat des produits commerciaux. Et il faut savoir aussi que le bénéfice fait en vendant le lait issu des bêtes ou le lait issu des bêtes de son troupeau ou en vendant la laine des moutons par exemple, le bénéfice fait en vendant le lait ou la laine des moutons, donc on doit sortir la zakat sur ce bénéfice. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Donc, alhamdulillah, nashkur Allah, on remercie Allah Azzawajal de nous avoir permis de compléter et de terminer ce cours. C'était donc le dernier cours concernant donc les règles qu'on a pu voir en abrégé sur la zakat. Il y a peut-être d'autres cas de figure qu'on aurait pu voir, mais on était dans le souci de faire ça, que ça soit un peu bref. Et de voir les cas de figure qui peuvent concerner un maximum de frères en délaissant les cas de figure qui sont un peu rares. Donc, on remercie Allah Azzawajal de nous avoir permis de terminer, de compléter ce cours et on lui demande qu'il le rende profitable pour l'islam et pour les musulmans. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.